Vie de Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, par Monsieur de Villefort. Publié par Monsieur l'Abbé Migne, markemdanarchive.org, d'après le PDF de l'abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Livre 3e. Ce fut en ce temps-là que par ordre du Père Dominique Bagnèse, qui confessait alors les saintes, elle composa le livre du chemin de la perfection. Le style en est simple, mais noblement soutenu, les règles de la vie spirituelle y sont exposées nettement et solidement. Tout y exhorte à la pratique des vertus les plus épurées, mais surtout à l'amour de l'oraison. Personne n'a parlé plus sainement ni plus judicieusement que Thérèse sur cette matière, qu'on doit toujours traiter avec beaucoup de précaution et de sagesse. On peut même dire que les fidèles des derniers temps, à un petit nombre près, ne connaissant plus la prière que sous l'idée d'un exercice de cérémonie, et purement extérieur, on est redevable à Sainte Thérèse d'avoir non seulement dissipé les ténèbres où la plupart des esprits se trouvaient enveloppés sur ce sujet, mais d'avoir encore inspiré le goût de la prière mentale, dont elle marque si nettement la nécessité, les motifs et les règles. Ce caractère-là toujours distingué des autres saints, dans le temps même qu'elle vivait encore, on reconnut déjà le fruit de ses instructions dans le public, et une infinité de personnes expérimentèrent les effets de leur application à la prière intérieure. Elle dit qu'aussitôt qu'on avait pris le goût de l'oraison, on s'affectionnait à ces religieuses. Il est certain qu'encore aujourd'hui les âmes véritablement recueillies sentent une inclination particulière pour tout l'ordre des carmes et des carmélites de sa réforme. Ainsi se serait ravir à notre sainte la gloire qui lui est due pour avoir enrichi l'Église d'une doctrine si salutaire, ce serait même priver les chrétiens des enseignements les plus utiles, que d'écrire une vie de Sainte Thérèse. Sans parler des excellentes maximes qu'elle nous a laissées pour l'oraison, et qu'elle a répandues dans ses différents ouvrages, nous ne pouvons donc pas nous dispenser d'en dire ici quelque chose, que nous avons pris soin d'extraire de ses lettres et de ses autres écrits. Au reste, nous avertissons que nous ne prétendons rien rapporter de ces états extraordinaires où, par un privilège spécial, Dieu l'a élevé. Comme les dons sublimes ne se tirent point en exemple, on ne les doit point donner en précepte. Nous ne parlerons donc de la prière intérieure, que considérée dans les voies communes, et telles que la peuvent pratiquer tous les fidèles. Il est bien glorieux à notre saint que nul théologien et nul docteur, même les plus opposés à la spiritualité, n'aient jamais rien trouvé à reprendre à tout ce qu'elle a écrit sur des matières si délicates, où elle fait entrer tous les principes d'une très pure et très simple métaphysique. Nous rapporterons d'abord ce qu'elle dit au chapitre 11e de sa vie. Comme il s'agissait d'aller au-devant des répugnances que l'on peut sentir à pratiquer cet exercice quand on n'y est pas accoutumé, elle appuie sur le courage qu'il faut avoir pour ne se pas rebuter des difficultés apparentes, et elle fait rouler ses instructions sur une ingénieuse allégorie dont l'agrément de son esprit lui fournit l'idée. Il est si difficile, dit-elle, à des personnes ignorantes comme moi de bien exprimer le langage du cœur et de l'esprit, que je suis contrainte de chercher quelques moyens pour m'en démêler, et de recourir aux comparaisons familières. Je dis donc que celui qui veut commencer à prier mentalement doit s'imaginer qu'il entreprend de faire dans une terre stérile et pleine de ronces et d'épines, un jardin qui soit agréable à Dieu, et d'où il faut que notre Seigneur lui même arrache ses mauvaises plantes pour en mettre de bonnes en leur place. On peut croire que cela est fait, quand après s'être résolu de pratiquer l'oraison, on s'y exerce, et qu'à l'imitation des bons jardiniers, on cultive et l'on arrose ses nouvelles plantes, afin de les faire croître. et de produire des fleurs dont la bonne odeur convie Sa Majesté divine à venir souvent se promener dans ce jardin, et prendre plaisir à considérer ces fleurs, qui ne sont autre chose que les vertus dont nos âmes sont parées et embellies. On peut donc comparer ceux qui commencent à faire oraison, à ceux qui tirent de l'eau d'un puits avec grand travail, tant ils ont de peine à recueillir leurs pensées, accoutumés à suivre l'égarement de leur sens. Lorsqu'ils veulent se mettre en prière, il faut qu'ils se retirent dans la solitude, pour ne rien voir et ne rien entendre qui soit capable de les distraire, et que là ils se remettent devant les yeux leur vie passée. Les parfaits aussi bien que les imparfaits, doivent user ainsi, mais moins souvent, comme je le dirai dans la suite. La difficulté est au commencement, à cause que l'on ose s'assurer si le repentir que l'on a de ses péchés, est un repentir véritable accompagné d'une ferme résolution de servir Dieu, et l'on doit alors extrêmement méditer sur la vie de Jésus, Christ, quoiqu'on ne le puisse faire sans que cette application ne lasse l'esprit dans les premiers temps. Nous pouvons arriver jusque-là par notre travail, supposer le secours de Dieu, sans lequel il est évident que nous ne saurions seulement avoir une bonne pensée. C'est commencer à travailler pour tirer l'eau du puits, et Dieu veuille que nous y en trouvions, mais au moins il ne tient pas à nous, puisque nous tâchons à en tirer, et faisons ce que nous pouvons pour arroser ces fleurs spirituelles. Dieu est si bon, que, lorsque pour des raisons qui lui sont connues, et qui nous sont peut-être fort avantageuses, il permet que le puits se trouve à seconde dans le temps que nous faisons, comme de bons jardiniers. Tout ce que nous pouvons pour tirer de l'eau, il nourrit les fleurs sans eau, et fait croître les vertus. J'entends par cette eau nos larmes, et à leur défaut la tendresse et les sentiments de dévotion. Mais que fera celui qui, dans ce travail, ne trouvera durant plusieurs jours que de la sécheresse, qui sentira le dégoût de voir que ses efforts sont inutiles, et que bien qu'il ait tant de fois descendu le seau dans le puits, il n'aura pu en tirer une seule goutte d'eau, n'abandonnerait-il pas tout, s'il ne se représentait que c'est pour se rendre agréable au Seigneur de ce jardin qu'il s'est donné tant de peine, et qu'il l'aurait pris inutilement s'il ne se rendait pas digne, par sa persévérance, de la récompense qu'il en espère? Il lui arrivera même quelquefois de ne pouvoir pas seulement remuer le bras, ni avoir une seule bonne pensée, puisqu'en avoir, c'est tirer de l'eau de ce puits. Que fera, dis-je, alors ce jardinier? Il se consolera, il se réjouira, et réputera à très grande faveur de travailler dans le jardin d'un si grand prince. Il lui suffira de savoir qu'il contente ce roi du ciel et de la terre, sans chercher sa satisfaction propre. Il le remerciera beaucoup de la grâce qu'il lui fait de continuer de travailler avec très grand soin à ce qu'il lui a commandé, encore qu'il n'en reçoive point de récompense présente, et de ce qu'il lui aide à porter sa croix, en se souvenant que lui-même, tout Dieu qu'il est, a porté la croix durant toute sa vie mortelle, sans chercher ici-bas rétablissement de son royaume. Il n'a jamais abandonné l'exercice de l'oraison. Ainsi quand même cette sécheresse durerait toujours, il la doit considérer comme une croix qu'il lui est avantageux de porter, et que Jésus-Christ lui aide à soutenir d'une manière invisible. On ne peut rien perdre avec un si bon maître, et un temps viendra qu'il paiera avec usure les services qu'il lui aura rendus. Que les mauvaises pensées ne l'étonnent donc point, mais qu'il se souvienne que le démon donnait à Saint Jérôme, au milieu même du désert, « Comme j'ai souffert ces peines durant plusieurs années, je sais qu'elles sont toujours récompensées. Ainsi je considérais comme une grande faveur que Dieu me faisait, lorsque je pouvais tirer quelques gouttes d'eau de ce puits. Ce n'est pas que je ne demeure d'accord que ces peines sont très grandes, et que l'on a besoin de plus de courage pour les supporter, que plusieurs grands travaux que l'on souffre dans le monde. mais j'ai reconnu clairement que Dieu les récompense avec tant de libéralité, même dès cette vie, qu'une heure des consolations qu'il m'a données depuis dans l'oraison, m'a payé de tout ce que j'y avais souffert durant un si long temps. Il me semble que notre Seigneur permet que ces peines et plusieurs autres tentations arrivent aux uns au commencement, et aux autres dans la suite de leur exercice en l'oraison, pour éprouver leur amour pour lui, et reconnaître s'ils se pourront résoudre à boire son calice, et à lui aider à porter sa croix, avant qu'il ait enrichi leurs âmes par de plus grandes faveurs. Je suis persuadé que cette conduite de Dieu sur nous est pour notre bien, parce que les grâces dont il a dessein de nous favoriser dans la suite sont si grandes, qu'il veut auparavant nous faire éprouver quelle est notre misère, afin qu'il ne nous arrive pas ce qui arriva à Lucifer. Que faites-vous, Seigneur, qui ne soit pour le plus grand bien d'une âme, lorsque vous connaissez qu'elle est à vous, qu'elle s'abandonne entièrement à votre volonté, qu'elle est résolue de vous suivre partout jusqu'à la mort, et la mort de la croix, de vous aider à porter cette croix, et enfin de ne vous abandonner jamais? Ceux qui se sentent dans cette résolution, et se peuvent flatter d'avoir renoncé à tous les sentiments de la terre pour n'en avoir que de spirituels, n'ont rien à craindre, car qui peut affliger ceux qui sont dans un état déjà si élevé, que de considérer avec mépris tous les plaisirs que l'on goûte dans le monde, et de n'en rechercher point d'autre que de converser seuls avec Dieu. Le plus difficile est fait alors. Rendez-en grâce, bienheureuse âme, à sa majesté divine, confiez-vous en sa bonté, qui n'abandonne jamais ceux qu'elle aime, et gardez-vous bien d'entrer en cette pensée. Pourquoi donne-t-il à d'autres en si peu de jours tant de dévotion, et ne la donne-t-il pas en tant d'années? Croyez que c'est pour notre plus grand bien, et puisque nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais à Dieu, laissons-nous conduire par lui comme il lui plaira. Il nous fait assez de grâce de nous permettre de travailler dans son jardin, et d'y être auprès de lui, comme nous ne saurions ni point être, puisqu'il y est toujours. S'il veut que ses plantes et ses fleurs croissent et soient arrosées, les unes par l'eau que l'on tire de ce puits, et les autres sans eau, que nous importe? Faites donc, Seigneur, tout ce qu'il vous plaira, pourvu que vous ne permettiez pas que je vous offense, et que je renonce à la vertu, si vous m'en avez donné quelques-unes, dont je ne suis redevable qu'à vous seul. Je désire de souffrir, puisque vous avez souffert. Je souhaite que votre volonté soit accomplie en moi en toutes les manières que vous l'avez agréable, et ne permettez pas, s'il vous plaît, qu'un trésor d'aussi grand prix qu'est votre amour enrichisse ceux qui ne vous servent que pour en recevoir des consolations. Il faut extrêmement remarquer, et l'expérience que j'en ai, fait que je ne crains point de le dire, qu'une âme qui commence à marcher dans ce chemin de l'oraison mentale, avec une ferme résolution de continuer et de ne pas faire grand cas des consolations et des sécheresses qui s'y rencontrent, ne doit pas craindre, quoiqu'elle bronche quelquefois, de retourner en arrière, ni de voir renverser cet édifice spirituel qu'elle commence, parce qu'elle le bâtit sur un fondement inébranlable, car l'amour de Dieu ne consiste pas à répandre des larmes, ni en cette satisfaction et cette tendresse que nous désirons d'ordinaire, parce qu'elle nous console, mais il consiste à servir Dieu avec courage, à exercer la justice et à pratiquer l'humilité. Autrement il me semble que ce serait vouloir toujours recevoir, et jamais ne rien donner. Je le répète encore, et je ne saurais trop le répéter, il ne faut ni s'inquiéter ni s'affliger de ces sécheresses, de ces inquiétudes et de ces distractions de notre esprit. Il ne saurait se délivrer de ces peines qui le gênent et acquérir une heureuse liberté, s'il ne commence à ne point appréhender les croix, mais alors notre Seigneur l'aidera à les porter, sa tristesse se changera en joie, et il avancera beaucoup. Autrement n'est-il pas évident, par tout ce que j'ai dit, que, s'il n'y a point d'eau dans le puits, nous ne saurions y en mettre, mais il n'y a rien que nous ne devrions faire pour en tirer s'il y en a, parce que Dieu veut que notre travail soit le prix de notre vertu, et qu'elle ne peut augmenter que par ce moyen. Il se trouve encore des enseignements plus méthodiques dans le livre du chemin de la perfection, où la Sainte traite spécialement de cette matière. Elle pose encore pour fondement de ne point se décourager dans cet exercice, et d'y persévérer malgré les dégoûts et les obstacles. Si l'esprit, dit-elle, est naturellement si dissipé, qu'il ne puisse s'arrêter à rien, il faut avoir recours au livre pour le fixer. Et j'avoue que les paroles de l'Évangile me font entrer dans un plus grand recueillement que les ouvrages les plus savants et les mieux écrits. Peut-être on vous dira qu'il y a du péril dans la pratique de l'oraison, mais quiconque vous le dira est lui-même un grand écueil pour vous, et vous le devez regarder de la sorte. Le péril consiste à n'avoir pas l'humilité ni les autres vertus, mais à Dieu ne plaise qu'on puisse jamais dire qu'il y ait du péril dans le chemin de l'oraison. Ces frayeurs sont des suggestions du diable, qui se sert de cet artifice pour faire tomber les âmes intérieures. Admirez, je vous prie, l'aveuglement des gens du monde. Ils ne considèrent point cette foule innombrable de personnes qui, ne faisant jamais d'oraison, et ne sachant pas même ce que c'est que de prier, sont tombés dans l'hérésie et dans tant d'autres péchés horribles. Et si le démon, par ses artifices et par un malheur déplorable, mais très rare, fait tomber quelques-uns de ceux qui pratiquent ce saint exercice, ils en prennent sujet d'effrayer les autres sur une pratique si salutaire. En vérité, c'est une belle imagination à ceux qui se laissent abuser ainsi, de croire que, pour s'exempter du mal, il faut éviter de faire le bien, et je ne crois pas que le diable ait employé jamais un meilleur moyen pour nuire aux hommes. Thérèse ajoute encore qu'une âme touchée d'amour pour Jésus-Christ trouve du plaisir dans tout ce qui lui en rappelle le souvenir, et qu'elle n'entendait jamais dire à la messe, dans le credo, que le royaume de son époux n'aura point de fin sans en être pénétrée de joie. Elle met en usage, dans le 26e chapitre de ce livre, les raisons les plus touchantes pour faire naître dans tous les cœurs le goût de la prière mentale, et il faut convenir que son expérience l'avait merveilleusement instruite. Revenons maintenant, dit-elle, à notre oraison vocale, afin d'apprendre à prier de telle sorte, qu'encore que nous ne nous en apercevions pas, Dieu y joigne aussi l'oraison mentale. Vous savez qu'il faut la commencer par l'examen de conscience, puis dire le confiteor, et faire le signe de la croix. Mais étant-ce lorsque vous vous employez à une si sainte occupation, tâchez, mes filles, d'avoir compagnie. Et quelle meilleure compagnie pourrait vous avoir que celui-là même qui vous a enseigné l'oraison que vous allez dire? Imaginez-vous donc, mes sœurs, que vous êtes avec notre Seigneur Jésus-Christ, considérez avec combien d'amour et d'humilité il vous a appris à faire cette prière, et, croyez-moi, ne vous éloignez jamais d'un ami si parfait et si véritable, que si vous vous accoutumez à demeurer avec lui, et qu'il connaît ce que vous désirez de tout votre cœur, non seulement de ne le perdre point de vue, mais de faire tout ce qui sera en votre puissance pour essayer de lui plaire, vous ne pourrez, comme l'on dit d'ordinaire, le chasser d'auprès de vous. Jamais il ne vous abandonnera, il vous assistera dans tous vos besoins, et quelque part que vous alliez, il vous tiendra toujours compagnie. Or, croyez-vous que ce soit un bonheur et un secours peu considérable que d'avoir sans cesse à ses côtés un tel ami? Ô mes sœurs, vous qui ne sauriez beaucoup discourir avec l'entendement, ni portez vos pensées à méditer sans vous trouver aussitôt distraites, accoutumez-vous, je vous en prie, à ce que je viens de dire, je sais, par ma propre expérience, que vous le pouvez, car j'ai passé plusieurs années dans cette peine,

Quand même elle nous serait proche parente, et nous ne savons plus que lui dire, parce que la parenté et l'amitié s'évanouissent aussitôt que la communication cesse. C'est aussi un autre fort bon moyen pour s'entretenir avec Dieu, que de prendre un livre en langage vulgaire, afin de recueillir l'entendement pour pouvoir bien faire ensuite l'oraison vocale, et pour y accoutumer l'âme peu à peu par de saints artifices et de saints attraits, sans la dégoûter ni l'intimider. Représentez-vous que depuis plusieurs années vous êtes comme une femme qui a quitté son mari, et que l'on ne saurait porter à retourner avec lui sans user de beaucoup d'adresse. Voilà l'état où le péché nous a réduites. Notre âme est si accoutumée à se laisser emporter à tous ses plaisirs, ou, pour mieux dire, à toutes ses peines, qu'elle ne se connaît plus elle-même. Ainsi pour faire qu'elle veuille retourner en sa maison, il faut user de mille artifices, car autrement, et si nous n'y travaillons peu à peu, nous ne pourrons jamais en venir à bout. Mais je vous assure encore que pourvu que vous pratiquiez avec grand soin ce que je viens de vous dire, le profit que vous en ferez sera tel, que nulles paroles ne sont capables de l'exprimer. Tenez-vous donc toujours auprès de ce divin maître, avec un très grand désir d'apprendre ce qu'il vous enseignera. Il vous rendra sans doute ses disciples, et ne vous abandonnera point, à moins que vous ne l'abandonniez vous-même. Considérez attentivement toutes ces paroles, les premières qu'il prononcera vous feront connaître l'extrême amour qu'il vous porte, et que peut-il y avoir de plus doux et de plus agréable à un bon disciple que de voir que son maître l'aime? Il faut que la pratique de la prière mentale soit nécessaire aux chrétiens, puisque notre sainte, écrivant à un grand prélat, qu'elle félicite d'avoir l'humilité, la charité, le zèle des âmes et de la gloire de Dieu, qui sont des vertus essentielles, non seulement à tous les fidèles en général, mais particulièrement aux évêques, elle ajoute néanmoins qu'il lui manque la principale chose, et sur laquelle toutes les autres vertus sont appuyées comme sur leur fondement, parce qu'il ne s'exerçait pas assidûment à la prière intérieure. Or dès que le fondement vient à manquer, dit-elle, tout l'édifice est bientôt renversé. La charité est suffisante, sans doute, pour nous sauver, mais on ne la conserve pas sans l'oraison. Il faut persévérer dans la justice pour entrer au ciel, mais Dieu n'accorde la persévérance qu'à nos désirs, et il n'y a que les désirs qui soient une véritable prière. L'oraison est le canal par où viennent les inspirations célestes, dès qu'on cesse de prier, les lumières du Saint-Esprit et les eaux de la grâce ne coulent plus. La docilité de cet évêque était admirable, car Thérèse lui donne, pour ainsi dire, les premiers éléments de l'instruction, après lui avoir recommandé de ne se point décourager ni rebuter quand son imagination s'égare, ou que son cœur est insensible. Elle lui dit que d'abord il doit se reconnaître pécheur, et s'accuser intérieurement des fautes que sa conscience lui reproche, qu'ensuite il faut se présenter devant Dieu pour apprendre de lui ses devoirs, car dès qu'il nous ouvre les yeux dans la prière, on voit, dit-elle, bien des imperfections qu'on ne remarquait pas auparavant. Après ces préliminaires, elle l'exhorte à se représenter tous les mystères et tous les états de Jésus-Christ, tantôt les uns, tantôt les autres, mais principalement ses souffrances, qu'elle lui recommande fort de considérer en détail sous les différentes idées qu'on en peut avoir en s'arrêtant au mouvement que ses considérations feront naître, et s'abandonnant au transport de son admiration. Vous devez, dit-elle, approchez de l'oraison avec une soumission parfaite, et vous y laissez mener par le chemin où Dieu voudra vous conduire. Écoutez attentivement ses leçons, soit qu'il vous console, soit qu'il vous rebute, recevez tout avec un esprit égal. Lorsqu'il vous reprend, humiliez-vous, lorsqu'il vous éclaire, avouez votre indignité, et avouez aussi qu'il n'a pas moins de pouvoir pour prodiguer ses faveurs que pour venger nos offenses. Ne pas soumettre son esprit dans la prière, c'est y aller plutôt pour enseigner bien que pour en être enseigné. Comme en entrant à l'oraison vous avez dû dire à Dieu que vous vous présentiez pour parler à lui, quoique vous ne fussiez que cendre et poussière, vous devez avoir les qualités de la poussière et de la cendre, et vous tenir comme elles au centre de la terre. Quand le vent élève la poussière, il ne serait pas naturel qu'elle ne s'élevât point, elle monte autant que le vent l'élève et la soutient. Dès que le vent cesse, elle retourne en bas. L'âme doit agir de même dans l'oraison, se tenir assise bien bas sur sa propre connaissance, mais quand le souffle du Saint-Esprit l'élève, qu'il la porte dans le sein de Dieu, qu'il l'y soutient et lui manifeste ses beautés, il faut qu'elle sache jouir de ses faveurs. Soyez encore comme un ver de terre lorsque vous priez, un ver ne s'élève point, ni quand les créatures le foulent aux pieds, ni quand les oiseaux le piquent. S'il vous vient dans l'esprit que vous feriez mieux de secourir le prochain, d'étudier, de prêcher, et de vaquer aux soins de votre charge, répondez que vos propres besoins sont les premiers où vous devez remédier. La parfaite charité commence par elle-même. Le pasteur, pour bien s'acquitter de sa charge, doit se placer sur un lieu éminent d'où il puisse voir son troupeau, et discerner si ses brebis ne sont point attaquées par les loups. Or, ce lieu éminent, c'est l'oraison. Un ver encore ne s'élève point de terre, quoique les oiseaux le piquent. De même l'homme doit demeurer ferme dans la situation où Dieu le met en priant, quoique les démons l'importunent et l'inquiètent, et mettent de l'agitation dans ses pensées. Ce n'est pas peu profiter dans l'oraison, que de souffrir patiemment ces dissipations importunes, c'est s'offrir en holocauste, et tout le sacrifice alors se brûle dans le feu de la tentation. Ne croyez pas que ce soit un temps perdu que de demeurer là sans rien recevoir, c'est beaucoup gagné que de travailler sans intérêt, et pour la seule gloire de Dieu. Il en est de cela comme des enfants qui travaillent dans le champ de leur père, ils ne reçoivent pas tous les jours le salaire de leur journée, mais au bout de l'an ils retirent tout. L'homme qui s'approche de l'oraison doit beaucoup travailler et ne se lasser jamais, dans le temps calme et dans la belle saison, afin de faire, comme la fourmi, des provisions pour l'hiver et pour le temps des grandes eaux, de crainte alors de mourir de faim, comme des animaux qui n'ont eu soin de ne rien amasser. Vous savez que ces grandes eaux et cet hiver, c'est la mort et le jugement. Thérèse finit sa lettre en priant cet évêque de lui pardonner l'indiscrétion qu'elle a eue de lui écrire sur cette matière, mais elle se justifie par le zèle qu'elle avait pour le salut et le service de ce grand prélat. Voici d'autres enseignements tirés d'une lettre qu'elle écrivait au père Gratien, à qui elle recommandait de donner de sa part quelques avis à la prieure de Séville touchant l'oraison. Avertissez cette personne, lui dit-elle, de se contenter de sa manière de prier, sans se mettre en peine si son entendement n'agit point quand Dieu la favorise d'une autre sorte. Le plus important à savoir en ce qui regarde la prière mentale, c'est que la mieux faite est la plus agréable à Dieu, et celle qui produit dans l'âme de meilleurs effets. Je ne parle pas à présent des résolutions et des désirs. Quelque quantité que l'âme en produise, et quelque caractère de bonté qu'on leur attribue, tout cela n'est pas toujours tel que notre amour propre nous le représente, mais je parle de ces bons effets qui confirment les bons désirs par l'exécution, en sorte que l'âme puisse juger du désir qu'elle a d'honorer Dieu par le soin qu'elle prend de ne le point offenser, et par son attention à s'occuper la mémoire et l'esprit de tout ce qui pourra lui plaire, et lui témoigner notre amour. Voilà ce que l'on peut appeler une véritable oraison, et non pas ces goûts où nous mettons nos complaisances. Quand l'oraison n'est pas comme je viens de dire, on ne voit dans l'âme que beaucoup de lâcheté, des craintes et des ressentiments contre ceux qui nous méprisent ou qui ne nous estiment pas assez. Pour moi, je ne voudrais point d'autre raison que celle qui m'enrichit de vertu, et quand même elle serait accompagnée de travaux, de sécheresse et d'affliction, si j'en devenais plus humble, je la croirais excellente. Car ce que j'estime le plus dans la prière, c'est ce qui plaît le plus à Dieu. Celui qui souffre prie quand il offre à Dieu ce qu'il souffre, et quelquefois il prie beaucoup plus que celui qui se rompt la tête dans un coin de sa cellule, et qui croit avoir bien fait oraison quand il a versé quelques larmes avec effort. Toutes ces instructions sont assurément bien solides et bien judicieuses, et nous offrent de grandes facilités pour la prière. Revenons maintenant à l'histoire de Sainte Thérèse, qui, renfermée dans son petit désert de Saint-Joseph, y jouissait d'un profond repos, après toutes les tempêtes qu'elle avait soutenues. Ce lieu était un paradis de délices, non seulement pour elle, mais pour Jésus-Christ même, qui le lui fit souvent connaître. Rien de mortel, rien de passager ne détournait ces ferventes solitaires de leur continuelle application à méditer les choses divines. Tout ne disputait à l'envie à qui retresserait mieux dans ses mœurs, sous une maîtresse si éclairée, la sainteté de leurs anciens pères. On y cultivait avec soin toutes les vertus, on y faisait une profession exacte de la pauvreté des apôtres, et il lui arrivait une infinité de choses admirables, qu'on est obligé de supprimer, pour se renfermer dans la seule histoire de Sainte Thérèse. Voici les principales observances qui se pratiquaient dans ce monastère naissant. En été, les religieuses se levaient à 5 heures, durant l'hiver à 6, elles commençaient leur journée par une heure d'oraison mentale, qu'elles faisaient indifféremment, ou dans leur cellule, ou dans les ermitages du jardin. On régla depuis qu'elles s'assembleraient en commun pour cet exercice, afin de se donner mutuellement bon exemple. Après l'oraison, on récitait les 4 petites heures du bréviaire, où l'on en chantait quelques-unes selon la qualité de la fête. Ensuite les religieuses allaient dans leurs cellules, ou dans des lieux destinés au travail qui leur étaient assignés. Chacune, en s'occupant à son office particulier, observer un silence exact, et tel qu'il convient à des solitaires, c'est pour cette raison que Thérèse ne voulut point qu'il y eût de chambre commune pour le travail des mains, de crainte que la compagnie ne donnât quelque occasion de parler. Il n'y avait point aussi de grandes salles pour loger ensemble les religieuses, afin de mieux conserver les bienséances et l'honnêteté. Chacune travaillait et reposait dans sa cellule séparément, d'où même elle ne pouvait sortir sans une nécessité bien évidente. On sonnait la messe à 8 heures en été, et à 9 en hiver. Après la messe, chaque religieuse retournait en sa cellule pour vaquer au travail des mains. Un quart d'heure avant le dîner, on sonnait une petite cloche pour l'examen de conscience que chaque religieuse faisait, ou dans sa cellule ou dans le lieu où elle se rencontrait. Or les jours de jeûne, on allait dîner à 10 heures, et durant les jeûnes commandés par l'Église, ou ajoutés par la règle, on ne dînait qu'à 11h30. La plus ordinaire portion pour le dîner de chaque religieuse était un œuf, avec un potage de légumes. Quelquefois on leur donnait un peu de poisson très commun, si ce n'est qu'on ne leur en envoyait d'autres par aumône. Après le dîner, la supérieure leur permettait de s'entretenir ensemble pendant un peu de temps, mais chacune portait son ouvrage à la récréation pour s'y occuper honnêtement, et si moins livrée à l'intempérance du discours. Il n'était permis dans ces conversations ni de s'écarter de la modestie, ni de rien dire contre la charité. À 2 heures on allait à vêpres, et les religieuses se retiraient ensuite dans leurs cellules, où chacune employait 1 heure à faire une lecture spirituelle, et passait le reste de l'après-dîner à s'occuper du travail des mains, jusqu'accompli, qui se disait à 5 heures en été, et à 6 en hiver. Ensuite on allait souper ou faire collation, Selon la diversité des temps, aussitôt après on se retirait dans sa cellule jusqu'à 8 heures que l'on commençait l'oraison mentale du soir, qui durait jusqu'à 9 heures. Après qu'elle était finie, on récitait les matines, et on faisait l'examen de conscience. Quand on avait de la sorte achevé la journée, les religieuses se retiraient dans leur cellule, où elles s'occupaient jusqu'à 11 heures que l'on donnait le signal pour se coucher, et la retraite alors était tellement recommandée, qu'il n'était permis à personne de se tenir hors de sa cellule. On a depuis autrement distribué les heures et la manière de ces exercices, selon que l'expérience l'a fait juger à propos. Mais on n'a jamais présumé de rien innover touchant la régularité et l'austérité de la vie. Dans le temps que l'auteur des Annales des Carmes réformés écrivait son livre, on continuait encore avec ferveur à pratiquer toutes ces observances dans le couvent de Saint-Joseph d'Avila. Jamais la tristesse ne mêlait d'amertume aux douceurs que la grâce leur faisait goûter, et leurs austérités ne les rendaient, ce semble, que plus sensible à la joie, on le voit par une réponse que la sainte faisait à son frère. « J'ai reçu ici votre lettre, lui dit-elle, nos sœurs ont pris beaucoup de plaisir à la lire dans leur récréation, et j'en fus aussi toute réjouie, et je m'imagine que vous cesserez plutôt de vivre, que d'être de belle humeur. Mais comme c'est avec des saintes, cela vous sied bien. » Thérèse et ses religieuses étaient dans les plus grands excès de leur zèle, lorsque le père Alphonse Maldona, de l'ordre de Saint-François, nouvellement revenu des Indes, passa par Avila. Il y rendit visite à notre sainte, et lui fit la peinture du malheur de tant de peuples idolâtres qui vivaient sans la connaissance du vrai Dieu, et périssaient hors la vraie religion. Elle fut si frappée de cette nouvelle, que, après que ce père l'eut quittée, elle alla se réfugier seule dans un des ermitages qu'elle avait fait construire aux extrémités du jardin pour y prier plus en repos. Elle y répandit devant Dieu beaucoup de larmes, et lui représenta la destinée de ces âmes malheureuses, à qui les vérités et les promesses de la foi étaient inconnues. Elle le conjurait instamment de lui ouvrir quelques voies pour travailler à leur salut, et réitéra plusieurs jours la même prière avec une extrême ardeur. Une nuit qu'elle continuait à demander à Dieu cette grâce, il l'assura que dans un peu de temps elle verrait de grandes choses. Cette lumière la consola, mais elle ne pouvait juger à quoi elle devait s'attendre, et demeura ferme néanmoins dans l'espérance que l'événement serait heureux. On voit dans la conduite qu'a tenue la sainte depuis la conversation qu'elle eut avec le père Maldona, combien son zèle pour la conversion des âmes la dévorait, puisque ne pouvant agir par un ministère extérieur, et par les talents de la parole dans les prédications publiques, elle tâcha d'y suppléer en formant par la suite des communautés monastiques, où l'on offrirait à Dieu de continuels sacrifices de prière et de pénitence pour obtenir aux pécheurs les lumières et les miséricordes divines. Les généraux des Carmes demeuraient ordinairement à Rome, et n'étaient jamais venus en Espagne, mais dans le temps qu'on s'y attendait le moins, Jean-Baptiste Rubaud de Ravenne, général de l'ordre, vint à Avila. C'en était assez pour effrayer beaucoup les religieuses de Saint-Joseph, qui ne se trouvaient pas soumises à son obéissance, et vivaient sous celle de l'évêque. Cependant, comme la sainte n'avait à se faire aucun reproche sur cela, et se reposait sur l'innocence de ses intentions, non seulement elle ne chercha point à se soustraire à la vue de ce supérieur, mais elle fit même en sorte qu'il pût visiter le monastère. Il fut extrêmement édifié des exercices de pénitence et de retraite qui se pratiquaient dans cette même maison, il y admira le courage, la prudence, et même la politesse de Thérèse, qui lui raconta naïvement toutes choses. « Je lui parlais, dit-elle, avec sincérité sur tout ce qui s'était fait, et je ne puis parler autrement. » De sorte que le général, loin de désapprouver l'entreprise, lui fit connaître combien elle lui était agréable, car il lui donna des lettres patentes pour fonder d'autres monastères comme celui-là, et il défendit qu'aucun provincial ne la troubla dans ses desseins. Elle n'en avait jamais osé tant espérer, et cela ne lui était pas même venu dans l'esprit, mais le général fut tellement charmé de voir refleurir dans ce monastère la régularité primitive des anciens pères du Carmel, qu'il souhaita l'accroissement d'un si grand bien. Le caractère de Sainte Thérèse lui plut si fort, que durant son séjour il retourna plusieurs fois la visiter autant que ses occupations purent lui permettre, et lui donna toujours des témoignages de son estime. Comme elle eut lieu de se persuader par cette permission du général, que c'était là les grandes choses que durant sa prière Dieu lui avait fait entendre qu'elle verrait, elle pensa qu'apparemment ce n'était pas à quelque couvent de religieuses qu'il fallait borner les vues de la Providence, mais y comprendre aussi des monastères d'hommes pour donner à ce grand dessein une plus belle étendue. Ainsi pour ne point paraître se trop prévaloir de la condescendance de son supérieur, elle pria l'évêque de conférer avec lui sur ce sujet, mais la chose lui parut d'une exécution difficile, et ne put se régler avant son départ. Lorsqu'il était déjà passé jusqu'à Valence, pour s'en retourner à Rome, Thérèse, qui comprit que cet établissement serait agréable à Dieu, et très avantageux à ses sœurs, écrivit à ce père une lettre armée de toutes les raisons les plus capables de combattre et de réfuter tout ce qu'on opposait. Le général en fut touché, tout le prévenait en faveur de la sainte, et il ne put résister à l'efficace de ses raisonnements, qui le persuadèrent et l'engagèrent à permettre la fondation de deux couvents d'hommes sous le consentement du provincial actuellement en place, et de celui qui en était sorti. Ces deux pères parurent avoir assez de peine à accorder leur agrément, mais ils ne purent le refuser aux pressantes sollicitations de l'évêque, qui s'employait avec plaisir pour tout ce qui intéressait Thérèse. Elle fut ravie d'avoir obtenu ce qu'elle demandait, car quoiqu'elle ne connût encore aucun religieux qui aspirasse à cette austérité de vie, et qui désirasse de contribuer à ce nouvel établissement. La grandeur de son courage ne lui promettait que d'heureux succès, et sans cesse elle priait le Seigneur qu'il en suscitât seulement un pour commencer. Pendant qu'elle méditait sur cette affaire, Dieu lui inspira de penser à fonder un couvent de religieuses à Medine-du-Champ, qui étant une ville assez voisine et assez opulente, lui parut propre à devenir la première colonie de son ordre. La vie extérieure où cette longue suite de fondations a mis Thérèse, ne fut pas de son choix, et n'aurait pas été de son goût, si l'ordre de Dieu ne lui eût rendu agréable toutes ses volontés. Mais dans ses voyages et dans ses occupations les plus tumultueuses, elle ne perdit rien de son recueillement uniforme et de son application aux vérités célestes. Quand l'amour de Dieu remplit tout le cœur, l'action cesse de lui être dangereuse, et il n'y a que l'amour imparfait qui ait besoin de repos. Le père Balthazar Alvarez, ancien confesseur de la Sainte, était alors à Medine, elle lui écrivit par le père Julien d'Avila, chapelain de Saint-Joseph, et lui marqua l'ample permission qu'elle avait du père général, afin qu'il en conférât avec l'abbé de cette ville, qui, pendant la vacance du siège épiscopal, se trouvait supérieur du diocèse. Il reçut avec joie la proposition, et l'affaire fut négociée si diligemment par les soins de Julien d'Avila, qu'elle fut achevée en 15 jours. Thérèse en même temps, pour plus grande sûreté, avait écrit au prieur des Carmes de Medine de lui acheter une maison propre à faire un monastère, de sorte qu'elle se trouva avec deux maisons sans avoir le premier argent pour les payer, ni pour se mettre en chemin, n'ayant pour toute richesse que son espérance. Tout se réduisait, dit-elle, à une pauvre carmélite chargée de patentes et de bons désirs. Que vous montrez bien, Seigneur, continue la sainte, qu'est votre puissance n'a point de borne, lorsque vous donnez tant de hardiesse à une créature, ou pour mieux dire, à une fourmi telle que je suis. Comme elle était dans cet embarras, une jeune demoiselle qui s'était présentée pour entrer au monastère de Saint-Joseph, et qui n'avait pu, parce que le nombre de 13 était rempli, offrit la petite somme qu'elle avait destinée à sa dot pour commencer l'œuvre de Medine du Champ. La sainte l'accepta volontiers, et donna l'habit à cette demoiselle avant nulle autre de celle qu'elle reçut pour cette nouvelle maison. Après que Thérèse eut pris toutes ses mesures pour le voyage, elle choisit 4 religieuses de Saint-Joseph d'Avila pour les mener avec elle à Medine. Toutes celles qui restèrent, à la vue des préparations de son départ, furent aussi affligées qu'on peut penser. La sainte ne l'était pas moins que les autres, et son cœur était trop reconnaissant et trop tendre pour ne pas sentir cette absence, mais elle eut soin de cacher sa douleur. Et après avoir passé bien du temps dans un des ermitages du jardin pour recommander à Dieu son monastère, elle en partit accompagnée des religieuses qu'elle emmenait, de Julien d'Avila, et de quelques autres personnes de leur suite. On fit ce qu'on put pour cacher son départ, mais on le sut, et cela donna occasion à de nouveaux murmures dans toute la ville. On en jugea précipitamment selon la coutume. On l'accusa d'être une étourdie, une imprudente, d'aimer à courir et à se promener, et on lui donna toutes sortes de noms indignes. Ses amis avaient tâché de la détourner de ce voyage qu'il n'approuvait pas, surtout l'évêque qui s'en était affligé plus qu'un autre parce qu'il n'aurait plus la consolation de la voir, et qu'il augurait mal de cette entreprise. Enfin d'autres disaient qu'il fallait voir où de telles rêveries aboutiraient, mais la fermeté de son esprit n'était pas accoutumée à s'étonner de ces sortes de choses. Elle continua sa route, et comme elle était en chemin, elle reçut un exprès qui lui apporta une lettre du propriétaire de la maison que Julien d'Avila avait achetée, par laquelle il lui mandait qu'il ne la pourrait mettre en possession de cette maison à cause que les pères Augustins qu'il aimait beaucoup, et qui en étaient proches voisins, voyaient cette affaire avec peine, de sorte qu'elle n'avait qu'à rester à Avila jusqu'à ce que cet obstacle fût levé. Cette nouvelle la toucha fort. Mais de crainte de décourager ses compagnes, qui n'étaient pas encore bien aguerries à soutenir des traverses, elle n'en parla point. Après y avoir bien pensé, elle se rassura, et crut même que ce contretemps était un heureux présage. Les mauvais chemins les firent arriver de nuit au bourg d'Aréval, où un prêtre de leurs amis leur avait fait préparer un logement chez des femmes dévotes. Comme le père Dominique Bagnier se trouvait en ce lieu par hasard, Thérèse le fit avertir de la venir voir, afin de tout régler par ses avis. L'affaire lui parut aisée à terminer, mais le bruit de l'obstacle s'étant répandu parmi sa troupe malgré sa précaution, elle en eut de l'inquiétude, et passa la nuit sans dormir. Le prieur des Carmes de Medine qui arriva le lendemain, calma son esprit, dès qu'il eut assuré que la maison qu'il avait achetée suffirait pour ses commencements, et qu'on pourrait lui donner quelque forme de maison religieuse. On approuva son expédient, et après avoir conféré sur tout cela, il fut résolu que 4 des 6 religieuses resteraient dans une ville voisine, où il y avait pour curé un cousin germain de 2 de ses filles. La sainte accompagnée des 2 autres religieuses, passa par Olmède, où était alors l'évêque d'Avila. Il la reçut avec grand plaisir, et quoiqu'il fût déjà fort tard, il ne put l'engager à rester, de sorte que lui ayant fait donner une voiture plus honnête et plus commode que celle où elle était, au milieu de la nuit du même jour, elle arriva enfin à Medine. Elle avait vu sur sa route la propriétaire de la maison qu'on lui voulait louer et la l'avait tellement charmée par ses discours, que cette dame avait envoyé ordre à son homme d'affaires de sortir de la maison, et de prêter tous les meubles et tous les lits dont on aurait besoin pour l'établissement. Julien d'Avila, qui était arrivé avant Thérèse, avait averti les pères Carmes de sa venue, pour préparer tout ce qui concernait l'ornement du lieu, de sorte qu'au premier bruit que fit le chariot de la sainte, lorsqu'elle vint descendre à la porte du monastère, le prieur et les religieux se mirent aussitôt en état de porter tout ce qui devait convenir à la maison nouvelle. Thérèse ne demeura pas sans rien faire, elle encouragea les travailleurs par ses paroles et par son exemple, et se donna tous les mouvements nécessaires pour tout mettre en ordre. La nuit ne fut pas bien longue, car c'était la veille de l'Assomption. Plusieurs personnes s'étaient rendues dans la ville, où l'on préparait pour le jour de la fête un grand combat de taureaux. Comme tout le monde arrivait en foule pour ce spectacle, les rues se trouvaient assez peuplées, et l'on était fort étonné de voir à ces heures-là des ecclésiastiques, des religieux et des religieuses qui portaient tant de hardes et tant de paquets à la faveur des ténèbres. On en faisait librement et de toutes les façons beaucoup de railleries, qui ne laissèrent pas d'inquiéter un peu Thérèse. Enfin toute la troupe arriva à la maison, où l'homme d'affaires était couché, où essuya toujours quantité d'insultes des passants, tandis qu'on frappait à la porte. L'homme d'affaires se leva, lut la lettre de sa maîtresse, et obéit aussitôt. On entra dans un petit vestibule dont l'on trouva les murailles presque démolies, une seule chambre assez mal en ordre, fermée seulement de plâtras, et dont ce qui restait de mur était raboteux et affreux à voir, fut le lieu qu'on y trouva le plus propre pour y loger le Saint-Sacrement. L'homme d'affaires offrit des tapisseries et des rideaux de damas pour couvrir ses difformités. Cela fit plaisir à Thérèse qui, pendant toutes ses agitations, conservait toujours sa belle humeur, que rien ne lui ôtait jamais, et peut-être aussi pour encourager les autres. Faute de provisions de clous, on arracha ceux qu'on put trouver aux vieilles murailles, les Carmes se hâtèrent de tendre et d'orner le lieu, et les religieuses en emportèrent les terres, et en balayèrent les ordures. Cependant le jour était prêt à commencer, il fallait rendre visite au maire de la ville, pour le prier d'envoyer un notaire attester par écrit que ce couvent ne s'établissait point sans la permission de l'abbé qui était alors absent. De crainte qu'il n'y eût opposition, on le pressa beaucoup, le notaire vint faire un acte pour rendre témoignage. Le lieu fut paré d'ornements, on pendit une petite cloche dans le plus haut de la maison, et au premier rayon de l'aurore on sonna la messe. Tout le voisinage accourut en foule, et fut fort surpris qu'en une nuit on eût commencé et achevé un monastère. Les habitants qui ne savaient quelle mesure prendre, demeurèrent fort étonnés, et en peu de temps le concours du peuple s'y trouva si nombreux, que les lieux ne furent plus capables de les contenir. Il fallut que les religieuses allassent se réfugier sous un petit escalier qui restait de tous les débris de l'autre côté de l'autel, afin que s'y étant enfermées elles entendissent la messe par les fentes de la porte, et se dérobassent à la foule qui les accablait. C'est ainsi que fut établi le monastère de Medine du Champ, en l'année 1567, le propre jour de l'Assomption. On peut juger avec quel courage Thérèse conduisait cette entreprise. Rien ne la rebuta, car après avoir essuyé toutes les fatigues du chemin sans prendre le moindre soulagement, ni diminuer rien de ses jeûnes et de la frugalité de ses repas, elle arrive à minuit, et dans le temps qu'elle devrait un peu se reposer, sans faire réflexion sur ses infirmités ni sur son âge, qui était alors de 53 ans, sans se souvenir ni de manger ni de dormir, elle se charge de meubles et de fardeaux, tout occupée de l'œuvre du Seigneur, nullement embarrassée de ce qu'il y avait à faire, accomplit son dessein, et perfectionne son ouvrage dans une ville peuplée, où il fut plutôt achevé qu'il ne fut connu. Le succès la consola de toutes ses peines, mais dans le temps qu'elle s'abandonnait au plaisir de voir Jésus-Christ adoré sur son autel, Au milieu de ce nouveau sanctuaire, le démon éleva dans son âme une tempête semblable à celle qu'il avait formée à l'établissement du monastère d'Avila. Dieu, qui savait de quelle manière elle se conduisait dans ses assauts, se plaisait à la voir combattre pour se réjouir ensuite avec elle de ses victoires. Ainsi, de peur que les faveurs divines ne réveillassent en elle quelque complaisance trop humaine, les grandes grâces qu'elle reçut, et les innocentes joies qu'elle goûta, furent toujours suivies d'épreuves qui la retinrent dans la dépendance et dans la crainte. Après que la messe fut achevée, elle sortit de son réduit pour examiner cette magnésure, que pendant la nuit précédente elle n'avait pu bien reconnaître. Elle fut touchée de douleur et d'appréhension que quelque hérétique caché, que la foire célèbre pouvait avoir attiré en ce lieu, ne vint faire quelque outrage à l'Eucharistie, qu'aucune muraille ne mettait à couvert. Sa tristesse et son trouble augmentaient peu à peu, elle se représentait les discours qu'on tiendrait d'elle, elle désespérait du succès de son entreprise, la lumière céleste s'était éclipsée. Plusieurs pensées importunes la tourmentaient sur l'imprudence de son dessein, elle commençait à douter si c'était Dieu qui le lui avait inspiré, et de là naissait en son âme une incertitude cruelle sur tout ce qui lui était arrivé durant le cours de sa vie, car d'une seule illusion elle concluait que par le passé elle avait été toujours livrée à des impostures. Il ne faut pas s'étonner que cet esprit sublime fût tout à coup sans courage et sans lumière, ni qu'après avoir méprisé les choses les plus difficiles, la seule pensée des difficultés l'effraie. C'est ainsi que la sagesse divine se cache de temps en temps aux âmes éminentes, afin qu'elles connaissent ce qu'elles sont quand Dieu les fortifie, ou quand il les abandonne à elles-mêmes. Thérèse ne s'expliqua point de sa peine, et renferma toute cette tempête dans le fond de son cœur pour ne point alarmer ses compagnes. Après qu'elle eut soutenu cette tentation depuis le matin jusqu'au soir, Dieu l'éclaira intérieurement en lui faisant connaître que cet orage était causé par le démon, et qu'elle devait se le persuader, puisque les autres religieuses étaient exemptes de ce trouble. Cependant, elle ne se contenta pas d'assigner toutes les nuits quelques personnes pour garder le Saint-Sacrement, mais sa sollicitude la réveillait souvent pour y prendre garde elle-même, car tout étant ouvert par les ruines de l'édifice, le clair de la lune lui donnait moyen de voir tout ce qui se faisait dans ce lieu. Le culte du Saint-Sacrement fut un des principaux motifs de ses fondations, et elle disait que rien ne lui tenait tant à cœur que d'élever le plus qu'elle pourrait de trône à Jésus-Christ sur la terre. Aussi sa dévotion au très Saint-Sacrement fut la cause que dans la suite on rendit plus d'honneur à ce mystère, et que l'usage de la communion plus fréquente s'introduisit. Après qu'une semaine fut passée dans ces précautions pour empêcher la profanation des saints mystères, un vertueux marchand de Meudon prêta à Thérèse la moitié d'un logis spacieux qui lui appartenait, jusqu'à ce que la nouvelle maison qu'on avait achetée fût entièrement accommodée en monastère. La sainte fut visitée en ce lieu par quelques personnes de piété, et entre autres par une femme de condition, nièce de l'archevêque de Tolède. Cette dame fut si contente et si touchée de la conversation de Thérèse, qu'en entrant chez elle, son premier soin fut de faire le récit de tout ce qu'elle avait vu à sa fille, âgée d'environ 10-8 ans. Cette jeune personne se sentit aussitôt une si violente inclination d'être carmélite, qu'elle le déclara à sa mère, lui dit combien elle se trouvait dégoûtée du monde, dont elle reconnaissait déjà le faux et le néant, et parla si éloquemment sur ce sujet, qu'elle donna l'envie à sa mère de prendre la même résolution qu'elle, et toutes deux vinrent s'offrir à notre sainte, et avant que de s'engager elles lui apportèrent beaucoup d'argent pour le bâtiment de la chapelle et du cloître de ses religieuses. Thérèse, au bout de 2 mois, se rendit au monastère, où le prieur des Carmes faisait beaucoup avancer l'ouvrage, et où l'on envoyait de larges aumônes, qui servirent à payer les dettes. Cependant, l'exemple de cette dame, qui s'était rendue carmélite avec sa fille, fit dans la ville tant d'effet, que plusieurs filles de qualité, charmées de la beauté de cet état, voulurent s'y engager, et firent leur sacrifice avec un détachement si parfait, que Thérèse elle-même l'admira. Après qu'elle eut surmonté toutes les difficultés de la fondation de Médine, l'établissement des monastères d'hommes lui revint dans l'esprit, elle en parla secrètement au père Antoine, prieur des Carmes de la ville, pour sonder ses sentiments. Il goûta son dessein, mais comme elle remarqua qu'il n'était pas d'une constitution bien robuste, ni propre à porter les travaux d'une vie austère, elle ne le pressa pas beaucoup. Il lui dit qu'un peu avant sa proposition, il avait formé le projet de s'engager dans une vie plus pénitente, et qu'il était résolu d'entrer dans l'ordre des Chartreux. Thérèse s'en réjouit extrêmement, et l'exhorta à s'éprouver par des exercices d'une plus sévère discipline. Il lui obéit, et passa une année entière dans ses préludes de réforme, et Dieu lui fournit les occasions de se voir à beaucoup d'épreuves, car après qu'il eut conféré avec Thérèse, la réputation qu'il avait d'être un grand homme de vertu, le fit choisir du roi pour travailler à rectifier quelques abus introduits dans son ordre, ce qui lui fit souffrir de la part des Carmes mitigés beaucoup de persécutions, et bien des oppositions à tous les bons desseins qu'il eut dans la suite. Avant que Thérèse partît d'Avila, Dom Bernard de Mandos, frère de l'évêque, avait commencé à lui parler d'une donation qu'il lui voulait faire pour une fondation de carmélite. Il vint à Médine lui confirmer les mêmes offres pour rétablissement d'un monastère à Valladolid, et la pressa fort de ne pas différer de se mettre en possession d'une maison spacieuse et d'un grand enclos qu'il lui donnerait dans cette ville-là. Notre sainte lui témoigna sa reconnaissance, mais se trouvait embarrassée comment elle satisferait à l'empressement de cette dame chez qui elle avait demeuré 6 mois à Tolède, et qui la priait instamment de fonder un monastère à Malagon, dont la seigneurie lui appartenait. Dom Bernard insistait toujours, et comme Madame Marie de Mandos, sa sœur, devait emmener Thérèse avec elle, il voulut, avant son départ, passer un acte pour la donation de sa maison de Valladolid, et ne pas remettre sa libéralité à un autre temps. Pendant que Thérèse était à Médine, il y vint un religieux fort jeune encore, mais de beaucoup d'esprit, et d'un très solide jugement, qui faisait ses études de théologie dans le collège des Carmes mitigés de Salamanque. Il avait nouvellement reçu l'ordre de prêtrise, et était venu à Médine pour accompagner un ancien religieux qui dit de lui tant de bien à la sainte, et lui lit tant d'éloges de sa vertu, de sa ferveur et de sa pénitence, qu'elle conçut un grand désir de le voir. L'ancien religieux le dit le lendemain à son compagnon, le père Jean de la Croix, qui n'aimait nullement les visites, et fuyait toutes sortes de communications avec les femmes, même les plus vertueuses et les plus saintes, fut contraint néanmoins de se rendre aux instances qu'on lui faisait, et vint voir Thérèse. Elle ne l'eut pas plutôt examiné pendant quelques moments, qu'elle reconnut qu'il était propre à son dessein. Elle admira sa prudence et son courage dans une si grande jeunesse, et comme elle songeait aux moyens de lui découvrir à propos ses projets, il prévint lui-même sa pensée. Elle lui déclara qu'il se sentait appelé de Dieu à une vie plus austère que celle qu'il professait, et que ne pouvant suivre tous ses désirs dans l'ordre où il se trouvait engagé, il délibérait de se retirer parmi les Chartreux, où, soutenu par l'exemple de ses fervents solitaires, et par la commodité de leur retraite, il espérait que Dieu lui ferait la grâce de travailler plus efficacement et plus parfaitement à son salut. La sainte remarquait de plus en plus en lui tant de talents et de mérites, elle lui trouvait une sagesse et une doctrine si convenables à la conduite des couvents de sa réforme, que ne pouvant plus retenir sa joie, Elle lui découvrit à son tour le dessein qu'elle avait de fonder des monastères de carmes déchaussés, et le conjura d'attendre jusqu'à ce qu'il plût à notre Seigneur de lui donner une maison de cette réforme, où il pourrait se consacrer à Dieu, et passer sa vie dans les exercices de la pénitence et de l'oraison, et lui fit entendre qu'il ferait beaucoup mieux de travailler à la réforme de son ordre, que de s'engager dans un antre. L'éloquence de la sainte ne fit pas moins d'impression sur l'esprit du père Jean de la Croix, que le mérite de ce grand religieux en avait fait sur elle. Il se rendit à ses conseils, et la pria seulement pour contenter sa ferveur, d'exécuter son dessein au plus tôt. Thérèse fut très contente d'avoir rencontré pour ce nouvel édifice deux pierres fondamentales si bien choisies. Elle voulait néanmoins différer un peu pour éprouver davantage le père Antoine, à qui elle ne se fiait pas tant qu'au frère Jean de la Croix, qui était fort de son goût. De sorte qu'il se passa bien une année depuis la fondation du monastère des religieuses de Médine, jusqu'à l'établissement du premier couvent des Carmes réformés. Cependant Thérèse était invitée d'aller visiter le couvent d'Alcala, où la béate qu'elle avait vue durant son séjour à Tolède, avait fait un établissement de carmélites réformés. Elle partit donc de Médine avec Madame Marie de Mandos, qui la mena dans son équipage, et la fit passer par Madrid, où l'on souhaitait fort de la voir. Elles allèrent descendre chez Madame de Mascareña, qui avait été gouvernante du roi régnant Philippe II. Plusieurs dames s'y étaient rendues avec une extrême curiosité de connaître Thérèse, et de découvrir dans sa personne quelque chose d'extraordinaire. Elle remarqua dans leur empressement à la recevoir, et par plusieurs petits discours jetés d'abord, qu'on attendait d'elle quelques entretiens et quelques traits d'une spiritualité non commune. Ainsi, dès qu'elle eut satisfait aux premiers compliments et aux bienséances, elle dit, en s'asseyant, « Oh qu'il y a de belles rues dans Madrid » et elle engagea la conversation sur des matières de cette sorte, sans rien laisser paraître de surnaturel et de sublime. Quelques dames moins éclairées en perdirent une partie de la bonne opinion qu'elles en avaient, mais d'autres plus habiles ne laissèrent pas, au travers de ces innocents artifices, de démêler qu'il y avait en elle de très éminentes vertus. La même chose lui arriva au monastère royal des religieuses déchaussées de Saint-François, où elle fut obligée d'aller avec la princesse Jeanne, sœur de Philippe II, fondatrice de ce couvent. Durant 15 jours que Thérèse demeura dans ce monastère avec la princesse, elle se déguisa si bien, qu'on ne vit rien en elle que de fort commun, mais quelques personnes plus pénétrantes que les autres, percèrent jusque sous les voiles de son ingénieuse modestie, et l'abbesse, qui était sœur de Saint François de Borgia, dit, en la voyant s'en aller, « Dieu soit béni de nous avoir fait voir une sainte que nous pouvons imiter, car sa vie est la plus commune du monde. Elle parle, elle mange, elle dort, elle marche comme nous autres, sa conversation est simple, sans ostentation et sans cérémonie, et l'on voit néanmoins que Dieu est bien avant dans son cœur. » La sainte se rendit à Alcala pour faire plaisir à Madame de Mascareña. Elle embrassa toutes les religieuses avec des sentiments d'une véritable tendresse, comme si elles avaient été ses propres filles, et les excita pendant un séjour de 2 mois à une telle ferveur qu'elle leur inspira la régularité de sa réforme, qu'elles ont toujours gardée depuis, sans quitter pourtant la juridiction de l'évêque, à qui elles étaient soumises. Du monastère d'Alcala, Thérèse vint à Tolède, où la dame chez qui elle avait déjà passé 6 mois, la pressait fort de venir, afin d'y prendre des mesures pour faire un établissement de carmélites réformés à Malagon, dont elle avait les domaines. Quelque envie que pût avoir la sainte de multiplier ses fondations pour la gloire de Dieu, elle ne laissa pas de se refroidir un peu pour celle-ci, quand elle fit réflexion que la ville était trop petite pour y fonder un monastère sans revenus. Il consulta sur cela, selon sa coutume, quelques théologiens, entre autres le père Dominique Bagnier. Comme elle vit qu'il faisait valoir le décret du Concile de Trente, qui permet les revenus en ces occasions, et que d'ailleurs cette dame la sollicitait vivement, elle consentit à ce qu'elle voulut. Après avoir fait venir Davila cinq religieuses, elle fut conduite à Malagon par cette dame. Le monastère n'y était pas encore tout à fait préparé, de sorte qu'elles se retirèrent dans le château, d'où elles sortirent 8 jours après, le dimanche des Rameaux, et se rendirent en procession à l'église, où elles entendirent la messe et le sermon. De là elles accompagnèrent le Saint-Sacrement jusqu'au lieu de leur retraite, se tenant cachées selon leur coutume sous leur voile noir qui les couvrait, et c'est ainsi qu'à la vue de toute la ville, charmées d'un spectacle si touchant, elles entrèrent dans le troisième monastère fondé sous l'invocation de Saint-Joseph. Le lieu n'était pas trop convenable, et le bruit de la place voisine le rendait peu propre au silence de la prière. Ainsi, par les libéralités magnifiques de la fondatrice, et par les travaux de Thérèse, qui portait elle-même les fardeaux et les matériaux pour la construction d'un lieu plus commode, Dieu fit la grâce à ces religieuses d'y passer au bout de 14 jours, quoique les architectes eussent dit que cet ouvrage durerait 6 mois. Quand Thérèse arriva dans Malagon, elle y fut attaquée d'un violent rhumatisme et d'une douloureuse contraction de nerfs. Cependant, dès qu'il fallut travailler et présider à son ouvrage, elle se sentit aussitôt guérie, dès que tout fut achevé, pour mieux faire voir la conduite de la Providence divine, ses douleurs recommencèrent, et elle fut obligée de se remettre au lit. Elle vit avec joie toute cette affaire consommée, mais s'inquiéta néanmoins que ce monastère eût des rentes, puisque les autres n'en avaient point, car quoiqu'elle se fût rendue au sentiment des plus habiles théologiens, l'amour qu'elle avait pour la pauvreté évangélique ne laissait pas de lui donner des scrupules, et c'est pour cela qu'elle exhorta toujours ses religieuses à demeurer pauvres, et qu'elle leur donna de l'horreur pour ces sortes de revenus. Mais Dieu, pour lui faire connaître qu'il approuvait son obéissance au docteur, et son renoncement à son jugement propre, lui fit entendre qu'il se plaisait dans cette retraite. Aussi les religieuses vivaient dans une ferveur et dans une austérité qui consola beaucoup la sainte. À son retour elle écrivit à la fondatrice, Madame Louis de la Cerda, pour la consoler sur quelques événements. Cette reforme de son ordre réussissait trop bien pour n'en pas continuer l'accroissement. Elle pensa donc à la fondation de Valladolid, où Dom Bernard de Mendos lui avait donné une grande maison accompagnée de bons domaines, mais elle fut fort affligée d'apprendre qu'il était mort subitement à Ubet sans pouvoir achever sa confession. Quoiqu'il donnât de grands témoignages de pénitence, elle pria Dieu instamment de répandre sur lui ses miséricordes, et durant sa prière, se sentit portée à croire que cette âme serait délivrée des peines qui la purifiaient. Le jour qu'on dirait la première messe dans le nouveau monastère, elle partit de Malagon, où elle avait séjourné 2 mois, sans s'arrêter à la fondation qu'elle voulait faire à Tolède, et après avoir passé à la hâte par Avila et par Médine, elle se rendit incessamment à Valladolid. Avec 6 religieuses qu'elle avait prises dans ses couvents, elles y arrivèrent fort fatiguées, et néanmoins il leur fallut aller entendre la messe en un couvent de Carmes à l'entrée de la ville, et la sainte dit qu'elle trouva le chemin si long, que ses peines en redoublèrent. Le lieu destiné pour l'établissement lui déplut, quoiqu'il fût fort agréable, mais il y fallait faire beaucoup de dépenses, et d'ailleurs il y passait une rivière qui pouvait beaucoup nuire à la santé. Elle n'en dit mot néanmoins, et la première messe y fut célébrée le second dimanche du mois d'août. Julien Davila, qui disait la messe, s'aperçut qu'en donnant la communion à la sainte elle fut tout absorbée dans une profonde application, Et depuis elle raconta qu'en ce moment elle avait été éclairée sur la délivrance de Dom Bernard de Mandoé. Comme ce lieu était fort malsain, et que tout son monde y tombait malade, Madame Marie de Mandos, que ses libéralités envers les pauvres ne rendaient pas moins illustre que sa naissance, demanda que cette maison lui fût cédée, et leur en donna une autre bien plus commode où elle fit, pour leur établissement, plusieurs dépenses. Ainsi la petite communauté de religieuses fut conduite solennellement à la maison nouvelle, d'où elles répandirent la bonne odeur de leurs vertus, qui ranimèrent la piété des habitants, et donnèrent envie à plusieurs filles de condition de s'engager dans le même état. Aussi les exemples de Thérèse y contribuèrent plus que tout le reste. Elle s'acquit dans cette ville une si grande réputation que ses sentiments étaient des lois, et l'on n'osait penser autrement qu'elle. Un fameux prédicateur l'étant venu voir, se plaignit dans son entretien qu'on ne lui eût pas donné une certaine chair pour prêcher le carême. La sainte, en le regardant d'un œil de compassion, ne fit que lui dire avec son air fin, « Hélas, mon père, et cela suffit pour l'obliger à rentrer en lui-même et se reprocher sa vanité. » Après que Thérèse eut fait quelques séjours à Valladolid, elle y reçut une lettre où elle était invitée de travailler à la fondation du monastère de Tolède. Elle laissa le nouvel établissement en bon ordre, et, dans le dessein d'y poursuivre l'ouvrage qu'on lui proposait, elle revint auparavant à Avila pour y passer un peu de temps.